Hey, c'est la combientième maintenant d'émission qu'on s'écoute avec toi? Number four. Number four on C'est la my quatrième. radio. On my C'est la radio. quatrième émission avec tout simplement Samplé et c'est Guillaume aux manettes. Exactly, donkey. Voilà, alors tu nous as préparé ce soir une spéciale Soul, la soul, musique du diable. la musique du diable. Alright. Donc l'esprit, hein, en français dans le texte, hein, l'esprit, la soul. Ah, hein. La soul, l'esprit. L'esprit, oui, c'est ça. C'est un truc qui vient du cœur, de Voilà. l'âme. Donc on va être tout de suite envoyer la sauce. Hein. J'ai mis une petite musique derrière, un peu électro, old school, hip-hop. Bon, et ben ça rappelle l'émission de la dernière Ouais, fois. Voilà, c'était juste pour faire la transition. Exactement. Maintenant, et l'antenne est à toi, mon gars. Bon, bah c'est parti. C'est tout simplement Samplé, quatrième. Bon, vous connaissez le principe des musiques originales suivies des morceaux qui l'ont samplé, des morceaux, des morceaux, des. Blablabla. Voilà, Hop, hop, hop. hop, hop. On recommence. Vas-y. Vas-y, recommence. Bon, on recommence tout Ouais, bien simplement. sûr, non, bien sûr, on recommence. C'est du live, hein. Tout ça, c'est en live, donc tout va bien. Tout simplement Samplé, émission numéro 4. Ouais. Spécial Soul. Ouais. Ok, vous connaissez le principe? Moi, je connais. Ah, ben les autres le connaissent pas alors. Vas-y. Bon, c'est que tu balances un morceau original et Voilà. derrière tu passes un morceau qui l'a samplé. Donc Ou l'inverse. on vient de faire un sample parce qu'on vient de le répéter en Et ben fait. exactement. On vient de faire un Ça s'appelle sample. un sample. Voilà. Voilà. Parfait. Sauf que la version originale était ratée et Ouais, et tac, la et version est bonne. on l'a remixé, on l'a refoutu dans le bon ordre. Exactly. Parfait. Bon, alors spécial soul, on va commencer déjà par une madame. Par une Une madame qui nous vient, dame. une dame, une madame, Une dadame. une dadame qui nous vient de Memphis. Oh, Et Memphis. qui nous vient de Memphis, Tennessee. Et c'est un morceau qui a été écrit un jour de pluie. I can't stand the rain and pebbles. I can't stand the rain. It's mine Eh ben, yo, ça commence bien, les amis. Eh ben, alors là, on a du mal, hein. Et voilà. C'est y part. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember? How sweet it used to be when we was together. Everything was so grand. Now that we parted, there's just one. That you get our styles tangled. Sway your do-si-do like you loco. Can we get pink at night like Coco? So-so. You wanna play with my yo-yo? I smoke my on the D-Lo. I can't stand the rain. got the keys to the Jeep. I'm driving to the beach. Top down, loud sound, see my peace. Give them pounds, now look who it be. It be me, me, me, and Timothy. Look like you brought the rain, what a shame. I got the armor or the shine up the same. Old Missy, try to maintain. I can't stand the rain. Oui, c'est vrai qu'on n'aime pas trop la pluie. I can't stand the rain. Est-ce qu'on peut la faire en français? Je ne supporte pas la pluie. Je n'aime pas la pluie. Je dis ma fenêtre. Bah, c'est vrai, mais imagine, c'est vrai. On peut essayer en français en même temps. Tu sais, t'as un paquet de titres. Hein, on pourrait charrier un peu. Celle-là, on peut la charrier. Hein, bon, là, c'était Missy avec Timbaland. Bien sûr. Ouais. Ça a été pas mal repris, hein, I Can't Stand the Rain, un peu dans tous les sens. Hein, Faut savoir qu'I Can't Stand the Rain, c'était la chanson préférée de John Lennon. Ah, d'accord. Déjà, rien que ça. Hein, pas mal. Anne Peebles a été sur le label iRecords. iRecords, c'est un label de Memphis. D'accord. Orchestré par Willie Mitchell, qui était l'arrangeur, le producteur et le propriétaire du label. D'accord. Et il y avait un autre artiste. Il y avait un autre artiste que tout le monde connaît. Pas des moindres. Mr. Al Green. Al Green. Et enfin, ça, c'est une reprise. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Juste par rapport à Al Green, j'ai ouï dire qu'à un moment donné, t'es parti sur ses traces. Quand même. Et ben, je suis parti sur ses traces, ouais. Je suis allé à Memphis. Ouais. Et je suis allé. Maintenant, c'est un preacher maintenant. Ouais. Preacher man. Preacher man. Et c'est le cas de beaucoup de gens de la soul, en fait. Ouais, ils sont un peu reconvertis dans la religion. Non, ils en viennent, en fait. Ah, ils en viennent. Et ils en viennent du gospel, forcément. Exactement. Et donc, ils sont passés un peu par le showbiz. Exact. Et tac, ils reviennent au final à leur premier amour. Exactement. Qui n'est autre que Dieu. Qui n'est autre que Dieu. Voilà. Ils ont chanté les femmes pendant un moment, puis après ils retournent à Dieu. Voilà, c'est ça. Ils sont bien pignolés la gueule. Ouais. Ils ont pris toute la coke qu'ils pouvaient. Enfin, ils sont bien foutus à l'envers. Bah, concernant Al Green, je sais pas, c'est possible. Hein, Et puis maintenant, ils prêchent Dieu, ils prêchent leur sainteté. Hein. Exactement. Et en fait, je l'avais vu, j'avais été donc à sa chapelle. La Tabernacle Chapel Church de Memphis. Excuse-moi, Tabernacle ? Tabernacle. tu parles de Tabernacle. Je parle de Tabernacle qui est à Memphis. Ouais. Et donc, c'est génial parce que bon, il fait son petit show, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont voir Al Green quand même. Bien sûr. Mais à un moment donné, il y a un band qui est derrière et ils se mettent à chanter Love and Happiness. Love and Happiness. Et son sermon, le jour où j'avais été le voir, bah justement, ça parlait un peu de l'histoire de la soul parce qu'on lui reprochait à un moment donné de dire bon, attends, au départ, t'étais dans le gospel, après, t'es parti à la musique profane, donc la musique du diable, la soul. Ouais. Et ensuite, tu reviens à Dieu et il dit que bah, ses chansons s'adressent autant aux femmes qu'à Dieu. Donc, Love and Happiness, c'est aussi pour les femmes et aussi pour Dieu. D'accord. Voilà. Et donc, il parle pas du diable. Pas du diable. D'accord. Non, la musique du diable, c'est venu en fait parce que les premiers à faire de la soul est née avec Sam Cooke et Ray Charles, qui eux chantaient du gospel. Et non pas Ray Cooke, hein, qui était sur FR3. Et voilà, non, rien à voir. Mmh. Et donc, il s'inspirait des mélodies gospel. Pour les chanter, pour chanter plus l'amour de Dieu, mais l'amour des femmes. Et donc la soul est née comme ça. Moi, j'ai envie de te dire Hallelujah, mon frère. Hallelujah, mon frère. Hallelujah. Envoie donc Al Green, Hallelujah. Al Green, qui fait une reprise d'un groupe blanc de Memphis aussi. Ouais. La chanson s'appelle The Letter. Vous la connaissez toutes peut-être par l'original, mais pas celle-là. Hallelujah. All right, Mr. Al Green, let's do it. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely day to go, I'm going home. Baby, you wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back. Baby, one more again. Lonely day to go. I'm going home. Baby, that wrote me something on a piece of paper. For an airplane, no. I gotta get back and see my baby again. No. Lonely days of obese like Della Reese. When I release, you lose teeth like little C's. Nigga, please, blood flood your dungarees. And that's just the half of my war path. Laugh now, cry later. I rhyme greater than the average player hater. And spectators buy my CD twice. They see me in the streets, they be like, yo, he nice. But that's on the low though. Be the cats with no dough. Try to play me at my show. I pull out four foes and go up in their clothes. Short change niggas, snort cane niggas. Extortion came quicker. Bought the range, nigga. It still tickle me. I used to be as strong as Ripple B. Till little C's cripple me. Now I play hard like my girl's nipples be. The game sour like a pickle B. Y'all know the rules. Move from BK to New Jerusalem. Think about all the claims we flew. Bitches we ran through. Now the year's new. I lay my game flat. I want my spot back. Take two. Motherfuckers mad cause I blew. Niggas envious. Too many niggas on my dick. Shit strenuous. When my men bust, you just move with such stamina. Slugs missed ya. I ain't mad at ya. Blood rushing, concussions ain't nothing. Catch cases, come out frontin', smoking something. Sipping white Russian, bitch in the Benz bumping. I laced it with the basic. Six TVs, a system. Knocking mace shit. Face it, we hard to hit. Guard your shit before I stick you. For your re up, wipe the pee up. Mix shots. Smoke your seat up, go in the ashtray, spark the weed up, long kiss. La, la, la, la, la, la. C'était Long Kiss Goodbye de Mr. B.I.G. qui samplait Al Green's A Letter. La reprise des Box Top. Un mort et un prêcheur qui prêche un mort. Exactement. Hein, donc, exactement. Al Green est toujours vivant, ouais. Heureusement. Il y a encore beaucoup de d'âmes comme ça, enfin de gens de la soul qui sont, enfin les originaires de la soul qui sont encore vivants comme oui, ça, par Al Green. Il y en a quelques-uns, ouais. Il y a Al Green, mais qui sont encore, Johnson. Qui performent encore. Oh, non, très peu. Non, très peu. C'est surtout Salomon Al Green. Burke. Il y a Salomon Burke qui fait encore des trucs, mais après tous les grands sont partis. Hein. Ray Charles, Marvin Gaye. Il y a Isaac Hayes encore, si. D'accord. Isaac Hayes, il en fait encore. D'accord. On peut considérer que Marvin Gaye aussi était de la soul ou... Ah, mais c'est un des dieux de la soul. C'est un des pionniers de la soul. C'est un des pionniers. Enfin, un des pionniers en tous les cas. Et la soul, c'est quoi exactement? L'origine du mot, l'origine du mouvement, de tout ouais, ça c'est... La soul, en fait, bon, c'est né dans le sud des États-Unis. Ouais. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça vient du gospel en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pris des rythmes gospel et des mélodies gospel pour passer sur les radios et faire des trucs pop, c'est-à-dire en chantant des histoires d'amour, etc. Donc, les premiers à avoir fait ça, c'est Sam Cooke et Ray Charles, qui ont été à la base par les gens d'église considérés comme des... Et ils distillaient quand même un message religieux à travers très peu. Chansons. Il y en a quelques-unes, mais sinon c'est très peu. C'est beaucoup sur l'amour des femmes, etc. D'accord. C'est un truc de lover, perdus. Quoi. Ah, c'est carrément un truc de lover. Ouais. D'accord, ouais. Et les héritiers aujourd'hui de ce mouvement-là, parce voilà, il y a eu, comme tu me disais, Sam Cooke, Al Green, tout ça, mais aujourd'hui, est-ce que la soul existe encore, finalement? Oui, elle existe encore sous d'autres formes. Enfin, il y a un mouvement qu'on appelle la New Soul, ouais. Où dans lequel t'as D'Angelo, t'as Music Soul Child, Lauryn Hill, etc. Erykah Badu, pour les plus connus. Écoute, oui, ça existe encore. Maintenant, après, ça peut vite se confondre avec le R&B, en fait. Voilà, c'est un peu plus formaté, quoi, aujourd'hui. C'est plus formaté FM. C'est, disons qu'ils ont toujours tendance un peu à vouloir faire du dance floor ou c'est... Non, c'est, parce ça que reste... t'écoutes des chansons, quand t'écoutes des titres d'Erykah Badu ou même de D'Angelo, t'as des trucs qui sont vraiment très, très soul. Moi, je me souviens avoir vu D'Angelo au Rex. Une fois, c'était un de mes concerts préférés. D'accord. J'avais vraiment le sentiment de voir un mec qui était de la hauteur de Marvin Gaye. D'accord. Et pourtant, Dieu sait si je place Marvin Gaye très, très haut. Mais donc, ouais. Il y a ce côté, oui, il y a un côté très lover, mais on n'est pas dans les rythmes, il y a très peu de rythmes électroniques comme il peut y avoir dans le R&B avec des claps, etc. D'accord. Là, on est dans un truc vraiment joué live avec des Donc des R&B aussi se targue d'être une forme d'héritage, enfin un héritier de la soul, quoi. En quelque sorte. D'accord. Mais bon, ça n'atteint pas, enfin moi, à mon sens, les sommets et la profondeur de la soul. Là, on parle de spécialistes parce qu'il y a la différence est ténue entre le R&B et la new soul. Finalement, c'est vraiment. Aujourd'hui, je suis prêt à parier qu'il y a bon nombre de gens qui disent que D'Angelo c'est du R&B. Ouais, non, tout à fait. La frontière est mince. Le truc, c'est que la new soul aura tendance à être beaucoup plus posée, beaucoup plus peut-être live aussi. que l'est le R&B avec des programmations, avec des boucles qui se répètent, etc. D'accord. Alors que la ligne sol est moins comme ça. Ok. Voilà. Bon, mais, je vous rappelle que vous êtes toujours dans l'émission Tout Simplement Samplé, hein, de l'émission de professeur Guillaume, qui nous explique aujourd'hui les samples à travers le mouvement soul, exactly. qui a été un mouvement très important pour tous les samples, parce qu'il y a beaucoup de titres qui ont été samplés. Hein, donc, ah, issus de la soul, oui. Énormément. Voilà, donc on va continuer à écouter tout ça. Là, on venait d'écouter Notorious B.I.G. qui samplait allègrement Al Green. Exactly. Voilà. Et maintenant, on va s'écouter deux morceaux. On va s'écouter Queen of Soul, Aretha Franklin, avec un superbe morceau, One Step Ahead, et qui a été samplé par Mos Def sur Miss Fat Booty. C'est tout de suite. Sur ma radio. All right. I'm only one step ahead of heartbreak, one step ahead of misery, one step is all I have to take backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. Your warm breath on my shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too one step ahead of your love. I've tried and yet I can't take two. Seems like I'll have to take that one step backwards, 'cause one step ahead. And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name big fame, big she fame. Like catching big things, jewel ship, money clip, phone flip the six range, and seen her on the ass, spotted her more than once, ass so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi, shot me a glance, and that cat woman stands with the fat booty pants, hot damn. What's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little makeup. The swims at the Reebok gym, tone your frame up, a sugar and spice, the only thing that you made up. I tried to play it low key, but couldn't keep it down. Asked her to dance, and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam's from Jamaica, she sipping Chris straight up, skanking while in the waist up. Scene two. My fam throwing a jam, Fareed is on the stand, big things is in the plans. The brother Big Moon makes space for me to move ahead. Yo, this my man, Most, baby. Let me introduce, I turn around. You was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herb. Shocked to sell, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Mons, I'm Sharice. I heard so much good about you, it's nice to finally meet. He moved to the booth, preserved her crew, especially your honey love. Ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically. 'Cause baby girl got all the right weaponry, designer fabric, shoes, and accessories, chinky eyes, sweet voice, want me mentally. Be conversating, made her laugh, yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Dance with me. She blew my whole head with that dude. I was like, what? I played it low, though. I was like, yeah, all right, come on then, let's go. Most Def. Et Aretha Franklin derrière. Et Aretha Franklin en sample. Queen of Soul. Alors moi je veux bien parce que bon tu vois t'as tous les mouvements, là tu me parles de la soul mais tu pourrais me parler du rhythm and blues, de tous ces mouvements des années 60, 70, 50, 60, 70 mais yes. ils n'existeraient pas tous ces mouvements forcément sans les studios, c'est-à-dire ouais, que les studios faisaient beaucoup à l'époque, ce qui se fait moins aujourd'hui mais à l'époque ça se faisait beaucoup non? Et ben, ce qui était très bien d'ailleurs c'est parce que ça créait un son, c'est-à-dire comment ça marchait par exemple Stax ou iRecord ou même Motown qui étaient des studios d'enregistrement hein. Absolument, qui étaient des studios d'enregistrement. Et il y avait une section rythmique qui était là, ouais. Des arrangeurs qui composaient les morceaux et les interprètes se succédaient. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y avait sur place les mêmes icos. Quoi. Exactement. C'était juste un interprète qui venait et voilà. Il jouait au tout avec. Début. Voilà, donc ouais. C'était par exemple Marvin Gaye jouait avec les icos de Al Green, de tout ça. Donc ils s'interchangeaient tous les mêmes. Pas avec Al Green, c'est-à-dire d'accord. Que Al Green, par exemple, il était chez iRecords. Ouais. Donc c'est les mêmes musiciens que Ann Peebles avec Ann Stendhal qu'on a écouté tout à l'heure et Al Green, Syl Johnson et d'autres. D'accord. Étaient chez iRecords. C'était Willie Mitchell qui arrangeait les morceaux. D'accord. Il y avait une section rythmique qui était là. Ouais. Les frères Hodge, Howard Chaim, etc. Et donc les studios étaient des labels en même temps. C'était exactement, la même chose. Mais c'est ça. C'était les labels étaient des studios et voilà. Les studios étaient des labels. Et Stax, par exemple, Stax, il y avait une section rythmique, c'était les Booker T and the MGs. Il y avait ouais. Aussi les Barcays. D'accord. Ils enregistraient et venaient se succéder. Et tu avais des paroliers de maison qui après sont devenus des artistes avec Isaac Hayes, David Porter, etc. D'accord. Qui composaient, arrangeaient des morceaux. Ouais. Et derrière, il y avait la section rythmique qui était là et les interprètes se succédaient. D'accord. Et les paroliers aussi, c'est ce que tu me disais. Ah ouais, tout à fait. Les paroliers, Isaac Hayes était parolier. À la base. Exactement, et arrangeur aussi pour d'accord, le label, avec incroyable. David Porter, ils étaient incroyable. Deux, ils ont fait un paquet de tubes. Hein. Il y avait un film d'ailleurs qui était super sur Motown notamment, qui s'appelait Standing in the Shadows of Motown et qui raconte un peu tout ça. Un documentaire ou un film? Un documentaire. Docu-fiction ouais, quoi. Un documentaire. D'accord. En fait, tu avais tous les interprètes encore vivants qui racontaient un peu et tous les mecs de la section rythmique qui racontaient ça et qui ont fait un paquet de tubes. Pour mais est-ce que ça a pas fait une forme de quand même ça unifiait un peu tout ça, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait les mêmes interprètes, enfin pas les mêmes interprètes, pardon, mais les mêmes icos, tout ça, ça a créé un son qui était un peu similaire, quoi, finalement. C'est ça, finalement. Un son. Tu vois, par exemple, Stax et iRecords qui viennent de Memphis, mêlaient le blues. Le blues avec la soul, donc il y avait un côté très très brut, très d'accord. Très crado un peu, ouais. Qui a beaucoup été samplé par Reza d'ailleurs du Wu-Tang, qui a adopté un peu ce son un peu crado, ouais. Alors que la Motown c'était plus, on va dire, plus rond, ouais. Plus dansant, un peu plus funky et d'ailleurs plus destiné aux blancs, alors d'accord. Que Stax et iRecords c'était vraiment de la musique pure black. etc. La musique du sud. Motown donc Motown Motortown, hein, c'est comme ça qu'on appelle Détroit, là ouais. D'où vient le label, ouais. Donc, qui était au nord des États-Unis, là on est plus dans un truc pour captiver le public blanc, etc. D'accord. Parce que la soul, ça a mis du temps avant de capter le public blanc. Avant, c'était vraiment afro-américain, etc. Et donc, Motown aussi avait sa section rythmique, etc. Et les trucs se succédaient. Après, tu as certains artistes comme Marvin Gaye, comme Stevie Wonder, qui, eux, sont arrivés avec leurs propres arrangements. Alors, ils faisaient appel à la même section rythmique, mais eux composaient tout, dirigeaient tout. Et voilà. Bah, vous êtes bien avec le professeur Guillaume qui vous tout donne un cours. Hein. Veuillez prendre des notes parce qu'à la fin de l'émission, il y aura une interrogation écrite. Ah, mais ça c'est évident. Hein. Eh oui, et ça, bien sûr. Évident. On avait écouté juste à l'instant Mos Def avec un sample de Aretha Franklin. Qu'est-ce que tu nous fais écouter maintenant? Ah bah, un monsieur qui malheureusement est mort trop tôt, trop jeune. Un monsieur mort en 67 qui venait de faire un tout cartonné au festival de Monterrey, qui était un festival psychédélique, donc blanc, à Monterrey, à San Francisco, et près de San Francisco. Et il avait tout déchiré là-bas. C'était Mr. Otis Redding. Ouais. Et qui mourra deux mois après dans un accident d'avion avec, avec une partie de la section rythmique de Stax, qui était d'accord. Le Barcays. Ok. Voilà, donc dans cet accident d'avion. Lynyrd Skynyrd aussi est mort dans un accident d'avion. Ah, il y a beaucoup de Lynyrd Skynyrd est mort. Richie Valens, Buddy Holly. Il y en a beaucoup qui sont morts en avion. Alors si vous voulez prendre l'avion, pensez à tous ces gens-là. Et voilà. Et Otis Redding, si jamais il avait vu les années 70, il nous aurait certainement gratifié de quelques joyaux, de quelques. Mais il nous a gratifié déjà de pas mal de joyaux. Oh yeah. Alors on va s'écouter Hard to Handle, qui a été énormément samplé. C'est Otis Redding. Tout de suite. Allez, sur on écoute ma sur ma radio. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your counter. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. But I know that y'all just better rock this at the drop of a dime, baby. I don't know what y'all gonna do with this, but it got to be funky. It got to be funky if you're gonna be on it. I don't care who start, I don't care what y'all do, but you got to be finished before the music is through. Listen closely, so your attention's undivided. Many in the past have tried to do what I did. Just the way I came off then, I'm gonna come off. Stronger and longer, even with the drum off. I'll keep on going and flowing just like a river. I got a whole lot to give, so I'm a giver. Little at a time, new trails are blazing. Action is in effect and always stays in. Yeah, just like a shot from a cannon. I am the man in charge and I've been planning. A jam strong enough that it can lift your soul. I'm the originator and my rhymes are made of gold. Once you hear the capital A, rap it'll stay with you for a while. It won't go away unless you force it. Stays with you, my friend. And if you force it away, I'ma hit you again. I project my voice so it's right in the crowd. There's a sign at the door, no biting allowed. And if you didn't read it, I suggest you do so, or you'll be stranded just like Caruso. Sleep if you wanna, go ahead, get some shut eye. A man broke his jaw trying to say what I say on the microphone. He should've left it alone. Just for the record, let it be known that my ego's only partially grown. And never would I ever condone fighting in any form. Yo, I'm only warm. That verse was the calm. Now here's the storm. Next up, yo, I believe that's me. Craig G, light up the mic for the symphony. This jam is dedicated to all unoptimistics that thought I wasn't coming out with some exquisite rhymes. But that's alright, cause now I'm back to kill all the rumors and straighten the facts of me. Not rocking rhymes like I always used to, but you jumped on the tip when you heard me in the Juice Crew. You said, mm-mm-mm, ain't that something? Yo, Craig, I heard you in that jam and it's pumping. I apologize. À tous les lovers, all right. Vous êtes bien sur ma radio et vous écoutez tout simplement Samplé spécial Soul Music all avec right. Professeur Guillaume aux manettes. On vient de s'écouter la The Symphony avec tout le Cold Chilling Crew, le ouais. Label de Mr. Marley Marl avec Master Ice, Grey G, Big Daddy Kane, Biz Markie. Que du monde. Que du monde, que du monde. Pur label. Que du beau monde. Et juste avant, Mr. Otis Redding. Bien sûr. Le regretté Otis Redding. Le regretté qui nous a quitté trop tôt. Trop tôt, écrasé avec un avion. Écrasé avec un avion. Écrasé dans un avion. Écrasé dans un avion. Ce serait dur d'être écrasé avec un avion. C'est-à-dire qu'ils étaient là, quand ça attaque un avion, le rentre dedans. Tu n'avais pas de bol. Pas de bol, le mec. Tu parlais tout à l'heure des paroles de Saul en disant oui, est-ce qu'il y avait des messages, etc. Ou est-ce que c'était uniquement sexuel, etc. En tout cas, est-ce que c'était unique ? Est-ce qu'il y avait un certain message religieux ? Est-ce qu'il y avait un message plus de lover, etc. Si on se réfère à Al Green, quand il parle de love and happiness, quand il chante love and happiness, il parle aussi bien des femmes que de Dieu. Mais bon, j'ai du mal à le croire. Il parlait surtout des femmes. Non, ce qu'on va écouter derrière, c'est Syl Johnson. Ouais. Is it because I'm black? Ouais. Et là, c'est magnifique. Parce que là, c'est un message. Là, pour le coup, c'est un vrai message. Quoi. Et les paroles sont magnifiques parce qu'il pleure sa condition black, etc. Ouais. Aux États-Unis. Et c'est un titre qui date de quelle époque à peu près? Syl Johnson, celui-là, fin des années 60. D'accord. 67-68. Donc encore des gros problèmes entre interraciaux. D'ailleurs, ça c'est carrément. Et donc là, ce morceau-là, Is it because I'm black, est vraiment. vraiment fabuleux. D'accord. Multi-samplé. Ouais. Là, notamment, on va écouter un sample derrière du Wu-Tang, ouais. All the Bones. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'ils ont accéléré la voix. Et un jour, je citerai pas le canard, mais le nouvel album des Wu-Tang sort. Ouais. Et ils disent, oh, écoutez cette chanson All the Bones où il y a une magnifique voix d'une nana qui est samplée, etc. Et j'écoute le morceau. Alors effectivement, bon, quand tu connais pas le morceau, tu dis c'est peut-être une nana, mais ce n'était autre que Syl Johnson. D'accord. Is It Because I'm Black. Bon, pour moi, ce morceau qu'on écoute derrière est peut-être un des plus beaux morceaux de soul ever. Syl Johnson. Bah écoute, on écoute. Is It Because I'm Black. Moi j'ai envie de dire. C'est parti. Ah oui, je le dis trop ça, j'ai envie de dire. The dark brown shades of my skin. Only add color to my tears. Oh, oh, that splash against my hollow bones. That rocks my soul. Oh, oh, oh, oh. Looking back over my false dreams that I once knew. Wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghettos of the city. Yeah. Oh, Lord. Mama, she worked so hard to earn every penny. Yeah. Yeah. Yeah. Hey, yo, what's going on, man? Yo, man. Anything is anything, man. Just get that cream light, man. For real, man. You know what we striving for, man. We got family members. Hey, yo. Hey yo, high potency top. Smoke a bag of black and feel the vibe. Born to be wise, be form on the rise. The corner mean five. Horns in disguise, throw on your slides. Young niggas racing, smokers is basing. You seen the eyes laying up, playing the cut. What? Stay in the truck. Something told me duck. Folded me up, my shoulder struck. Out of luck, fuck the plotters up. Fell in the days like a glide of snuff. Niggas tried to body me up. I'm in the lobby bleeding. Niggas in the renting office, probably eating and sprinting and beefing. When they heard the shots, call a recent and seen Barbara Niece's beast. A nigga shot Shalaw features and shot through his Elises. Bent the spider, call his creatures. I'm gagging and flagging the cab down. Guess who in the Benz wagon? Dragging my sound down. Magging it was Del Greedy, the greedy. Canabinaire, snake genie. Cop with a bikini who murdered Tosh and Bonini. I'm feeling wheezy and I'm drained from the Chiba. Grieving, ain't even looking decent. Seeing police, niggas reaching it. That splash against my hollow bones. In the crime scene, speeding, beeping, leaving behind cream. Not even peeping that I was leaking. Won't see the precinct, just got a recent case. Beating still, Jake's a creeping, don't blow your spot. Skate a weekend, keep the Ruger peeling. Who's squealing? If you knew the dealings, keep the steel concealed in. Cause we got no time for feelings. Eyes on the building, corns are on the corners, illing. $1 million block villains plotting on a killing. Feel like a superhero, talking like a true De Niro. They boost his ego, found them broke down, reduced to zero. Cops fill reports, hoping I reveal my source. Source. That splash against my hollow bones. That rocks my soul. outside the check cashing, flashing, dipped in fashion. Five cherry face faggots try to cash in. They keep laughing. Go, she gets your face bashed in. It's the Wu. Wu Tang. The Recognize Wu. The voice. It's the nigga from the Wu. Yeah, man. Reza qui a beaucoup samplé, Reza qui est le producteur du Wu-Tang qui fait les sons, qui a beaucoup samplé iRecords. Est-ce que tu serais capable de me citer tous les membres du Wu-Tang? Oula, non. Ah ouais. Ghost Fasquilla, Raekwon. Ouais, Old Dirty. Old Dirty Bastard. Ghost Fasquilla. Jizza. Genius Jizza. Ouais. Oh là là. Il y en a beaucoup. Là, tu prends quoi? You God. You God. Ouais. Il y en a beaucoup. Et d'autres. Ils sont combien au total à peu près? Oh, je sais pas. Ouais, une bonne dizaine. Ouais. Le crew est bien formé. Hein. Ouais. Et donc Reza, ouais, je disais, il a beaucoup samplé les artistes High Records, notamment Sid Johnson, ouais. Ann Peebles, Al Green. Il aimait le son dont on parlait tout à l'heure, un peu crade. Tu vois, vraiment venant du sud. Mm-hmm. Tu vois, inspiré du blues. Ouais. Donc, j'espère que vous avez apprécié le Sid Johnson juste avant. Il pleure sa condition black. Is it because I'm black? Qui est vraiment un morceau magnifique. Est-ce que c'est parce que je suis noir? Et voilà. Et moi, je me demande. Et pourquoi c'est je ne chante pas bien? Est-ce que c'est parce que je suis blanc? J'ai envie de poser cette question aussi. En tout cas, la soul est noire. Hein, ça, il n'y a pas à chier. Quand Ophélie Winter s'essayait à la soul. Dieu m'a donné la foi. Voilà, ça résume toute la soul en fait. Hein. Quand Ophélie Winter s'essayait à la soul, ça change de lettre à la fin, ça devient de la soupe. La et soupe. Non plus de la soul. Exactement. Et donc, on va s'écouter là maintenant. Bon, un artiste que vous connaissez évidemment tous, avec un morceau qu'il a samplé que vous connaissez évidemment tous, mais derrière on s'écoutera cette chanson qui a été remixée par Diplo. Tu vois qui c'est Diplo? Le producteur de Mia. Bon, bah déjà on va s'écouter un des pères de la soul, Ray Charles, qui a été un premier à avoir fait de la soul, c'est-à-dire gospel et musique profane. Écoute, c'est parti. I got a woman, Mr. Ray Charles, suivi de Kanye West. D'ailleurs, Kanye West, oui, c'est Jamie Foxx d'ailleurs qui reprend Ray Charles. Et il le reprend très bien. Il est pas au niveau de Ray Charles. Non, mais c'est Ray c'est, Charles. On dirait. Il a sorti un album lui d'ailleurs, je crois. Franchement, il l'a bien singé. Ouais, c'est clair. Si je puis me permettre ce terme. Ray Charles, I got a woman. Et suivi de Kanye West, et après on enverra le Diplo qui est un remix de I Got a Woman de Ray Charles. It's all right. Yeah, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money. She's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she sings loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Far as girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a pen. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Yeah, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Est-ce que tu crois que Red Charles apprécierait ça? Waouh! Parce que putain, sur le dance floor là, ça sue des gouttes, Mister mais même Diplo pas des gouttes, Remix. Mais c'est des seaux d'eau qu'on sue là-dessus. Ah, c'est carrément. Waouh! Il est bon, Diplo. Hein. Oh là là, il est très très bon. Et tu sais quoi, je vais te balancer une petite perle là. Oui, bah c'est parti. Parce que toute scène de Metals, tu connais ce groupe de reggae. Reggae, qui est pour moi, peut-être un des seuls groupes de reggae valables hein, d'ailleurs. Hein, parce que moi, le reggae, je supporte pas. Mais bon. Ça nécessite une autre discussion. Mais bon, on aura cette discussion, mais moi les Toots j'aime beaucoup. Ils font que du bon, et notamment là ils viennent de ressortir pour les 20 ans des Toots, ils viennent de ressortir un album avec beaucoup de reprises dessus, dont une qui est I Got a Woman, donc la reprise de Ray Charles version les Toots, et qui est pas mal du tout. Pour tous ceux qui écoutent souvent ma radio, vous l'entendez de temps en temps passer sur les ondes, je vous l'envoie tout de suite sur ma radio. Voilà, c'est juste c'est bon, hein, pour ça. Faire un petit clin d'œil. Bah, vous aurez écouté trois versions différentes, ouais. Plus l'original de Ray Charles. Plus l'original, et il doit y en avoir plein d'autres, hein, je pense, hein, des I Got a Woman, et des reprises, et des samples, et des trucs, parce que c'est un titre qui est quand même, qui fout la patate, je trouve, quand même, non ? Bah, carrément, ah bah oui. C'est top, c'est du bon. Ouais, c'est du bon. C'est surtout lourd. Par ce temps-là un peu hivernal, ça fait du bien. Voilà. On va continuer. Et là aussi, on va écouter un morceau où les paroles, là, ne parlent pas de femme. Enfin, ça parle d'une femme. Il parle de sa mère. C'est Bill Withers, mais qui parle de sa mère qui est à l'église. Et j'ai envie de dire toutes des salopes sauf ma mère. Toutes des putes sauf ma mère et ma sœur. Hein. OK ? Parce que moi, j'ai une sœur. Donc... donc, alors, on va s'écouter Bill Withers, Grandmama Hands, qui a été samplé par Blackstreet No Diggity. No doubt. Et écoutez, Bill Withers en train de parler de sa maman qui dans la church. No doubt. Oh, ça c'est ça, all ladies and gentlemen. No doubt, motherfucker. All right, there is a fucking problem, but we're gonna fix it. Yes, all right, we're gonna fix that. Hold it a moment. Hey, no diggity, no doubt. Parfois ça arrive, hein, tu vois. Parfois t'as les petits soucis. Il y a pas de problème. Voilà. Donc, on va repartir sur Bill Withers. Ouais. Allez, Bill Withers, Grandmama Hands, qui a été samplé par Blackstreet avec okay. No diggity. Écoute, c'est parti. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play at. Play on, play at. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original Rough Shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. No doubt. No doubt. Black Street. No doubt. No doubt. No doubt. Black Street était le groupe de Teddy Riley. Gros producteur de New Jack dans les années 80. Hey, la ça, New c'est Jack. Les dérivés du R&B. Teddy Riley. La New Jack, on l'a complètement zappé. On l'a complètement zappé. Et, voilà. Et d'ailleurs, là, ce morceau n'est pas produit par Teddy Riley, mais par Mr. D.R.E., Mr. Dre. Dre. Il a posé le premier complet. On a fait quoi de la New Jack? On l'a laissé sur le côté de la route. On et l'a on laissé a sur le côté de la route, oui. Ils l'ont mis dans un placard et puis ouais. ça tape pour essayer ils de sortir du placard. Mais non, ça marche pas. Non, la New Jack, ça n'a pas été très très bien, la New Jack. Il y a eu quelques titres de New Jack qui étaient bien chaloupés. Ouais, Guy, ouais. Chaloupé quand ouais, même. 702, tout ce voilà. genre de choses. Voilà. Ouais, il y avait les bons trucs. Bon, est-ce qu'on pourrait parler de ça? Il y avait New Jack City. New Jack City, qui était une ode à la New Jack. Avec Ice-T qui est un des fers de lance de la New Jack, c'est bien connu. Ouais. Bon, est-ce qu'on pourrait faire une émission de soul sans Mr. James Brown? No, impossible. Parce que, évidemment, c'est un des inventeurs de la funk, etc., mais ouais. c'était aussi un soul man. Un soul man, yeah. Voilà. Mm-hmm. Il a fait une BO qui s'appelait Black Caesared. Mm-hmm. Hein, ça faisait partie de l'exploitation. C'était pas du tout une ode à la César salade. Hein, non, c'était une ode à César. Hein, c'était, c'était le César noir. D'accord. Hein, toi, c'était le pimp, le roi du quartier. D'accord. Et d'ailleurs, tous les films de Blaxploitation parlaient de ça. Et ouais. D'ailleurs, les films de Blaxploitation parlent souvent du black qui réussit, etc., mais qui est un pimp, etc. D'accord. Et ça vient d'un personnage. Mais d'un à chaque fois, un peu leur part d'ombre. C'est-à-dire qu'ils ont. Exactement. C'est quand même à la base des gangsters. Quoi. C'est des gangsters. Bah, les pimps, le pimp, c'est ouais. C'est le bad boy. Ouais. Et en fait, tout ça vient d'une légende afro-américaine qui date du début du siècle, Mr. Stiger Lee. D'accord. Et Stiger Lee, c'était un peu une légende à la Billy the Kid ou à Jesse James. Mm-hmm. C'était un black qui un jour a tiré sur un noir mm-hmm. parce que le noir l'exploitait, etc. Et il l'a shooté. Ouais. Et c'est à la fois aussi quelqu'un qui était vraiment un bad boy aussi, Stiger Lee. Donc c'est devenu un mythe. Et d'ailleurs, Stiger Lee. Il y a eu un bouquin là-dessus. Hein, il y a eu un bouquin de Greg Marcus qui est excellent sur la légende de Stiger Lee. Mm-hmm. Sly Stone s'en est inspiré. Tous les films de Blaxploitation s'en sont inspirés. Et surtout. D'accord. tous les rappeurs, d'accord, tout le rappeur Bad Boy, ouais, vient de Stagger Lee. D'accord, donc Melvin Van Peebles s'est inspiré... De Stagger Lee, en fait, voilà, tous les films de Exploitation, ouais, en fait, y a pèse l'ombre de Stagger Lee, d'accord, qui est quand même la légende. Okay. Bon, on va s'écouter Black Caesar, on va s'écouter un morceau The Boss de Mr. James Brown. Rest in peace, Mr. James. James. Get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me. You know what you see. You see a bad mother. Look at me. You know what you see. You see a bad. Killers of walk like Pistol Pete and Pappy Mason. Gave the young boys admiration. Prince from Queens and Fritz from Harlem. Street legends. The drugs kept the hood from starving. Pushing cars, Nicky Barnes was the 70s. But there's a long list of high profile celebrities. Worldwide on the thorough side of things. Live as kings. Some died, one guy, one time, one day. Grasp me as I'm about to blast heat. 40 side of burning. I turn well, he asks me, what you up to? The cops gon' bust you. I was a teen drunk or brute. Stumbled, I wondered if God sent him. Cause two squad cars entered the block and looked at us. I ain't flinched when they watched. I took it upstairs, the bathroom mirror. Brushed my hair, staring at a young disciple. I almost gave my life to what the dice do. Yeah, man, throwing them bones. Hoping my ace get his case thrown. His girl ain't wait for him. She in the world straight hoeing. Why he looking at centerfolds? A pretty girl showing a little cooch. Gangsters don't die, he's living proof. The DA who tried him was lying. The white dude killed his mother during the case. Hung jury, now the DA is being replaced. Pre-trial hearing is over, it's real for the soldier. Walks in the courtroom, the look in his eyes is wild. Triple homicide, I sit in the back aisle. I wanna crack a smile when I see him. Throw up a fist for black power, cause all we want is his freedom. And we grab a court officer's gun and start a squeezing. Ooh. Mr. Nas. Mr. Nas. Qui sample Mr. James Brown, The voilà, Boss. The Boss. Et à tous les amoureux de hip-hop, j'ai envie de vous parler d'une chose très importante. Jeudi soir, je fais une petite aparté publicitaire. Jeudi soir, énorme soirée Nokia Trend Lab au Showcase. Jeudi soir, prenez vraiment votre calepin et notez-le parce que c'est Will.i.am des Black Eyed Peas, bien sûr. Il y a Raekwon du Wu-Tang, Chromeo et DJ Mehdi. Donc tout ça en concert jeudi soir au Showcase, on ça, y sera, hein, ça risque d'être énorme. Show, show, show, voilà, show. Donc vous savez que vous pouvez choper ces places, bien sûr, dans tous les lieux de vente habituels, Virgin, Fnac, etc., etc. All right. Et sur Ticketnet aussi. Enfin bon, bref. Donc, mais à ne pas louper jeudi soir au Showcase, Will.i.am, Raekwon, Chromeo, DJ Mehdi. On continue sur du super son, le son du professeur Guillaume. All right. Ben, on était sur, on parlait de Stagger Lee tout à l'heure, on parlait, ouais, des films de Blaxploitation. Mm. Ben, on va continuer parce qu'il y a un morceau, vous connaissez tous, qui parlait de Stagger Lee, ouais, qui parlait entre autres de Stagger Lee. C'est Papa Was a Rolling Stone, oh, yeah, de Temptation, Papa, voilà, was... qui a laissé sa femme, etc., et ses enfants qui crient que bah, le père est parti, etc. Ouais, ouais, bah, bah, papa était une pierre qui roule. Hein. Le Bad Boys. Ouais, Papa Was the Rolling Stone. Ouais, c'était la pierre qui roule. Il avançait, le mec. Et voilà. Et bah, écoute, Temptation, suivi de Run DMC derrière. Papa Crazy, qui s'en plaît allègrement. Papa Was the Rolling Stone et Temptation. C'est allez, un on bijou, écoute. Et c'est pour vous. On écoute. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause there was a day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. To say that Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Mets ton survette Adidas, ton Kangol, right. Et tu samples donc Papa was a Rolling Stone. Des Temptations. Voilà. Ah, ça, tout c'était bien d'époque. Tout simplement samplé, j'ai envie de dire. Tout simplement samplé. Voilà. Bon, bah, on va pas tarder à se dire au revoir. Hein. On va pas tarder à se dire au revoir. On va écouter encore un sample et son samplé. Absolument. Voilà, enfin, absolument. La chanson qui a samplé. J'arrive jamais à. Tu vois, bah ouais, expliquer vraiment, ouais, il y a le sample, hein. Et la réutilisation. La réutilisation, enfin, voilà. Hein, on va trouver un terme d'ailleurs pour le morceau qui ressemble. Il va falloir trouver quelque chose. Ça sera plus simple. Voilà. Bon, écoute, je vais vous couper les Run DMC. Les Run. Et il parle de la même chose finalement que les Temptations, quoi. Il parle du papa qui dépense son argent, etc. Qui est devenu un peu taré. Qui picole, qui frappe sa femme. Exactement. Voilà, et Curtis Mayfield à l'époque, il a fait la BO de Superfly. Mm-hmm. J'ai un radio spot, comme on appelait ça, où il parlait, où il présentait son album, où justement il disait qu'il fallait pas suivre l'exemple du héros de ce film-là qui s'appelait Freddy, parce que Freddy's dead, voilà. Baby. Voilà. Et bon, malheureusement, lui-même est mort de son père qui le frappait, donc qui l'a tué. Marvin Gaye. On y reviendra plus tard, enfin en tout cas dans une autre émission. Mais oui, parce que Marvin Gaye, il nécessite une émission à lui tout seul. Ouais. Hein, on est d'accord. Bon, Curtis Mayfield qui va vous parler de Mr. Freddy's dead, le héros de Superfly, suivi de Push A Man et suivi du sample Beastie Boys Eggman. À bientôt sur Salut à tous. Gros bisous, je vous laisse avec gros Curtis Mayfield. Bibi, gros bisous. Et à lundi prochain. Ouais. Hi, this is Curtis Mayfield. Sit down and take a listen. This may be something that you're missing. I know your mind, you want it funky, but you don't have to be no junkie. Get yourself together. Remember, Freddy's dead. En beauté avec les Beastie Boys. Beastie C'était Boys. Tout simplement samplé sur ma radio avec professeur Guillaume qui est là tous les lundis soirs. Pour vous servir. Pour nous servir, pour nous, j'ai envie de dire, pour nous délecter. Pour nous délecter de son sorti de son de sortie de sa discothèque. Bon, une émission spéciale soul, ça nécessite une deuxième, bien sûr. Et on va en faire une deuxième qui incessamment sous peu, peut-être même la semaine prochaine. Bah, pourquoi pas la semaine prochaine, on verra. Parce qu'on a oublié plein de gens. Ah bah ouais, Marvin, tout ça. Il y en a tellement d'autres. Ah bah ouais. Ça nécessite deux émissions, tout ça. En bout de fond, pendant qu'on parle, je mets juste un petit dédicace à JD et à James Brown qui sont morts la même année. Très bien. Et c'est une réinterprétation de Men's World de JD. Parfait. Voilà, pour se quitter, comme ça. Allez, on se quitte sur ce son et je vous retrouve, n'oubliez pas, demain avec Michel Vedette qui va venir donc passer ses galettes. Délecter qui va venir à 19h demain soir passer ses galettes, tout droit sorti de sa discothèque, des galettes toutes chaudes avec des improvisations de sons incroyables. Voilà, et ben je vous quitte et je vous embrasse. Une bonne soirée à tous. Et écoutez un petit peu JD et Mr. James Brown. Ciao Guillaume. À bientôt, à lundi prochain. À lundi prochain. Bye. Ciao.